Ça marche, Steve. C'est quelque chose. Ouais. Sauf que c'est pas cool, là. C'est pas ça. C'est pas comme ça que je vais le commencer. Mais bon. Non, ouais, ça nous prend une intro. Let's go. OK. La voilà. On commence. Y'a pas de musique encore. Tu l'entends plus? Non. Non, pas. Ah, okay. C'est malade. Puis nous, on... Hey, malade! On est là, on est live. On est live en crise. J'ai comme un micro d'en face. Ouais. Un jour, tu auras des bons micros. Des bons fils. C'est le fil qui m'a fait défaut aujourd'hui. C'est ça. Oh, on a un chat pour chatter avec nos... avec personne, en fait. Mais non, mais c'est sûr, on commence. Caroline. Non, mais ça marche pas, ça. Excusez, d'être si négatif. Mais non, c'est malade, c'est super bon. Là, t'es dans Chrome, ça, c'est Chrome. Oui, non, mais c'est comme détaché. En tout cas... Ah, mais c'est parce que ton autre page est là. OK. That is the fuck. Ouais. Cette page est vide, c'est ça qui... Je pensais qu'on pouvait genre comme permettre d'avancer. Ah, tu peux changer de titre. Ouais. Ça, c'est génial. Comment rater son premier podcast? C'est bon, ça. Non, on avait publicité gratuite pour SK. Okay. J'ai jamais une bonne idée d'amener. C'est très débutant. C'est très, très, très débutant. C'est quasiment de l'amateur. Ça vient-tu de tout fucker, non? Je vois. Je suis supposé être là, le bonjour, langue de part. Ouais, c'est malade. On a comme 18 minutes en retard. Mm. Pour vrai, il y a une heure là, là-dessus. Puis... On nous voit tous les deux, c'est bon, ouais. C'est bon. C'est on clair. Est foncé. Hein? Ouais, c'est l'éclairage incandescent. Ben, coudonc. Salut. Bonjour. Depuis 6 heures ce matin. Ouais, non, mais c'est incroyable. Mmh. Fait quoi, là, genre... Proche une heure, qu'on gosse? C'est solide. Là. Ouais, solide. C'est... ça en est... Fait okay. Qu'on regarde encore plus de petites vidéos, là, pis que je le fasse vraiment sur cet ordinateur-là. Ouais. Parce que ça marche pas. Ben, vu que c'est pas ton ordinateur, c'est un peu rough. Parce ouais, que, c'est que, sûr. Ta blonde doit l'utiliser, son ordinateur. Ouais, ben tu sais, il est occupé avec. C'est très beau d'école et tout et tout. Mm. Donc. Fait que, ben merci d'être là. On va te souper. T'inquiète. Ah, c'est quelque chose commencer un podcast. Hein. C'est très rough en fait. Ben, c'est parce que nous, on s'est compliqué la vie. Tu sais, tant qu'à faire un podcast enregistré, puis mettre ça dans un logiciel, faire le montage, ouais. Couper ça. Là. Des places que ça marche pas, là, comme le début. Nous autres, on s'est dit, why not? On va mettre ça live sur YouTube. Ben, en fait, moi, ce que j'aimais du principe de live, c'est qu'on peut faire du live sur plusieurs plateformes. Oui, comme en ce moment, on est sur Periscope aussi. Il n'y a personne qui nous regarde. Il n'y a personne dans notre Twitter, en fait. Mais on peut se faire... Ah, je peux... Ah non, je peux pas me faire des petits cœurs. Non, je pense pas. Non, c'est pas... Juste switcher la caméra. On apprend. Ça va être quoi l'autre plateforme? Il y avait Meerkat aussi. Meerkat? Ouais, c'est comme Periscope, mais c'est arrivé avant Periscope. OK. Mais je l'ai jamais essayé. OK. Quand Periscope est arrivé, étant donné qu'il y avait une bonne intégration avec Twitter, ça a tout foiré le reste. Donc, ben, c'est sûr que ça va bien. C'est sûr, ils ont comme un peu écrasé. Je pense qu'il y a... Il me semble qu'il y avait une autre plateforme qui voulait essayer. Ok, toi, t'as le bâton moi, dans la face, micro là-dessus. Dans la face, puis là-dessus. Puis le... Ah, là, je suis correct. C'est tellement noir. Mais c'est le problème, c'est la caméra, je pense. Moi, quand j'avais mon Mac, mon MacBook, c'était une plus vieille version d'iOS, mais j'avais trouvé une petite application qui me permettait de changer l'exposition de la caméra. OK. Écoute, je pourrais pas te dire comment ça s'appelait, mais... Parce que là, c'est assez violent, tout le bruit qu'on a à l'entour de nous. Mais c'est un problème de cette caméra-là. Moi, c'est Mac. Ouais. Ouais. C'est pas une bonne raison. Non. On fait nos petits gênés. Là. C'est... Déjà 7 minutes de passer. En fait, c'est que ça, ça va vite. Jusqu'à maintenant, quelque chose de super intéressant à dire. Ben, c'est ça, on s'est pas préparé. On se lance dans le vide. Là, les prochains, peut-être qu'on va se préparer mieux. Ouais. Peut-être. Mais comme je t'avais dit, j'aurais aimé ça faire un passe chronique sur l'origine des mots. Ouais. Mais présentement, j'ai absolument aucune origine de pas, mots. J'aimerais ça aller sur mon téléphone en cachette pour aller sur Wikipédia, mais il y a un périscope sur mon téléphone. Tu vas chercher ma tablette. Ça serait écœurant. Ouais. Ça sera pas long, je reviens. Ah, je peux. En fait, c'est pas très gênant, il y a personne. Je me sentirais moins épais s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait. Ouais. Ouais. C'est le fait de parler tout seul dans ta cuisine qui fait bizarre. Pendant qu'Yannick est allé chercher la tablette, qu'on appelle communément un iPad. Quand c'est un iPad, ce qui est le cas, c'est un iPad. C'est, ouais. C'est beau chez Yannick. Oui. J'imagine que c'est quelque chose qu'on apprend à parler à un auditoire. Comme quelqu'un qui fait des vlogueurs, ouais, c'est ça. Les autres, il faut qu'ils parlent à leur caméra. Hein, j'avais vu je pense que c'est toi qui m'avais montré un vieux... merci. Un vieux vlog de Casey Neistat qui disait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'habitues à parler une caméra parce que parce que tu te sens vraiment tata, tu sais pas quoi dire à absolument rien. Ouais. T'es tout seul à parler tout seul. C'est ça qui est tough. Ça. Je viens de vivre un moment assez difficile pendant que t'étais parti. J'avoue que ça doit être assez spécial. Je veux pas tomber sur tes affaires secrètes. Tu te magasines-tu un autre iPad? Non, je checkais les prix. Pour voir, parce que là, il y a le nouveau iPad Air 3 qui va sortir bientôt, au mois de mars. C'est ça, le 15 mars qu'il l'annonce. Fait que je vais voir s'il y avait des petites infos de mis dessus, mais non. Non, il va falloir attendre le keynote que je vais regarder religieusement depuis à peu près 3-4 ans que j'écoute les keynotes. Puis, qu'est-ce que je cherchais Wikipédia? Non, c'est pas l'étymologie, c'est l'origine. Ouais. Ben, l'étymologie, habituellement, ça dit... Bon, ça dit l'origine du mot. Fait qu'on cherche ça un mot, t'as-tu une idée de mot? Au hasard. Tu me demandes ça à moi? Ah, ici? Là? Ah, madame. Donc, hasard. Concerne le concept de hasard. Étymologie de hasard. Ça marche pas. Oui, oui. Okay. On attribue l'origine du mot hasard à l'arabe al-zahar, signifiant à l'origine des, comme des dés, et ayant pris la signification de chance, car il désigne jusqu'au 12e siècle un jeu de dés, mais aussi par métaphore tous les domaines relevant de la science de la chance. Averroès. Averroès, faudrait ouvrir un nouveau livre pour Averroès, parce que... Cependant, le CNRTL signale que le terme « alzar », dans le sens de « dé à jouer », est relativement moderne et propose l'étymologie Yazara, jouer au dé dont l'existence est attestée en arabe classique. Bon, ok. En gros, Averroès, qui est évidemment... quelqu'un. Oui, un philosophe, théologien, nationaliste, islamique, juriste, mathématicien et médecin musulman andalou de langue arabe du 12e siècle. C'est maintenant que les étudiants s'endorment dans mon cours magistral sur l'origine du mot hasard. C'est intense. C'est plate, hein? On pourrait laisser tomber cette chronique-là, surtout en faisant du vidéo. Non, mais c'est planifié, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est parce que c'est des mots, tu sais, on commence, laissez-nous une chance. Non, mais c'est parce que, tu sais, on va essayer de voir vers où on veut se diriger, parce que, tu sais, moi, j'écoute quand même quelques podcasts du Québec. Ouais. Tu sais, toi, pas encore, parce que monsieur est occupé, là, il vient. Non, mais, ouais. Il va être bientôt papa. Ouais. Donc, mais c'est parce qu'on dirait que j'écoute rien. Ouais. Tu sais, puis là... T'as pas le temps ou... Non, c'est... Tu te concentres pas assez, parce que, tu sais, les podcasts que j'écoute, c'est quand même près d'une heure, 1h30, qui... Ouais, moi, j'ai pas capable de me concentrer à écouter que de l'audio. Tu sais, il y a un des podcasts québécois que j'écoute aussi, c'est Le Petit Bonheur, c'est 20 minutes, une demi-heure gros max. Parce que ça serait quand même pas pire pour commencer. Mm-hmm. Sinon, il y a celui de Mike Ward, là, sous écoute. Ouais. Lui aussi, c'est pas live sur YouTube. Mais il présente quand même la version vidéo du podcast, qui est quand même moins plate que d'écouter de quoi. Moi, c'est parce que je les écoute en véhicule, vu que je fais pas mal de route. Là. J'ai 1h30. Non. Ben oui, quasiment 1h30 par jour de route. Là. Mais sais-tu, moi, ce qui me décourage? Tu sais, ça fait peut-être 3-4 ans que je me suis déconnecté complètement. J'écoute pas les nouvelles, je lis pas les journaux, je fais pas grand-chose. Tout ce qui est culturel, je connais plus rien. Ouais. Je connais plus aucun comédien, je connais plus rien. Fait que tu sais, j'écoute, même tout le monde en parle, j'écoute plus. Je connais pas les invités. Puis j'écoute ça, je suis comme, bon, c'est qui, elle? Puis ma blonde, ma belle-mère. Oh, c'est une telle, hein? Ça fait quoi? Elle joue dans telle émission. C'est quoi ça? Ouais. T'sais... C'est pas souvent, tu sais, les artistes, on les entend un peu partout. Hein? Les sujets les plus intéressants, on en parle, c'est pas mal ceux qu'on connaît jamais. Ouais. Fait que tu sais, quand je me ramasse, mettons, comme à un moment donné, tu m'avais demandé d'écouter un podcast de Mike Ward, puis je l'écoute. Bon, je connais Mike Ward. Puis là, on reçoit un tel. Ouais. On reçoit un tel. Ok, c'est qui eux autres? Là, ils sont juste là, puis ils parlent. Okay. Non, c'est sûr qu'il y a peut-être d'avoir le côté visuel. Ouais. Mais encore là, tu sais, s'ils sont là, puis ils parlent. Salut. Puis à un moment donné, tu sais, t'as la caméra fixe, puis. Non, mais c'est quand même intéressant. Ouais, moi j'aime bien ça. Faudrait que j'essaye de prendre le temps. On dirait que quand je suis chez nous, je veux me divertir, j'écoute une série. Ouais, à cette heure. Ouais. Monsieur qui était pas si. Ah, j'étais contre. J'écoutais zéro la télé. Grâce à Netflix ou à cause de Netflix. Ouais. Mais. Ça m'a fait perdre quelques fins de semaine. Mais moi je me demande, c'est-tu si important que ça d'être connecté, tu sais, sur. Ce qui se passe à l'extérieur. T'as pas juste besoin là, sérieusement. Pis c'est drôle parce que tantôt tu parlais de d'être déconnecté au niveau culturel. J'ai écouté l'émission. L'émission de critique avec Rebecca McConnell. Oui, tout à fait. Esprit, c'est-tu? Non, c'est pas esprit critique, en tout cas. C'est pas si grave. Mais il avait parlé de ça, je pense. Il a dit qu'à partir de 33 ans, les gens n'écoutent plus de nouvelles musiques ou de nouveaux produits. Okay. Tu sais, parce qu'ils veulent juste se remémorer ce qu'ils ont écouté avant. Parce que, tu sais, on a assez emmagasiné à partir de toute notre vie. Donc, tout ce qui est nouveau, on s'en fout un peu, à part Claude Rajotte, peut-être. Lui, il en écoute. Ça fait quand même du sens. Là. Moi, j'essaie de... En fait, là, on dirait que j'écoute plus tant ce que j'écoutais avant. Okay. Dernièrement, dans mon char, j'écoutais un band de death metal que j'écoutais avant qui s'appelle Gorgasm. Puis je trouvais ça extrêmement violent. Puis je me suis dit, est-ce que c'est l'âge du pépère qui vient de rentrer? Ok, j'aime ça violent pendant que tu l'écoutais. Ouais, mais j'aime ça, tu sais. Parce que je suis vraiment encore rendu là. En fait, j'aime ça. Je l'ai écouté pendant 2 jours, mais... C'est vrai que les premières 5 minutes, là, j'étais là, crème, ça se faisait. J'écoutais vraiment cette musique violente-là. Okay. C'est terrible là, comme musique. Là. Terrible. Je sais pas si on se ferait censurer sur YouTube si j'essayais d'en mettre. Ça Ça se peut, je sais pas s'ils ont des gros droits d'auteur sévères. C'est Just do it. C'est que mon fond d'écran de mon iPad, c'est Shia LaBeouf avec Just Do It en beau pants mauve et chandail vert. Je sais pas, moi, côté musique, j'écoute vraiment de tout, puis je suis encore, tu sais, j'ai 33 ans, fait que je suis au point critique de plus vouloir emmagasiner rien. Tu peux encore te permettre d'innover. Non, mais tu sais, j'adore la musique, j'aime ça l'écouter, peu importe le style, donc ça me dérange pas. C'est sûr que là, maintenant, je remarque que, tu sais, les titres puis les artistes commencent à moins bien rentrer qu'avant. Même ceux que j'écoutais avant, et on dirait qu'ils sont loin. Tu sais, j'ai de la misère à les m'en rappeler. Moi, je connais bien Beat It, admettons, Michael Jackson, ouais, comme titre. Okay. Mais tu sais, mais tous mes albums que j'avais, là, je connais les numéros de tunes. Okay. À cause des CD, ouais, tu sais, j'avais pas besoin. Ouais, c'est à 17. Là, exactement. Quand t'es rendu à tune 17, c'est habituellement ton band ne fait pas des tunes longues. Et je vais faire écouter juste un petit intro, je sais pas le volume. Il va y avoir une pub, évidemment. Il y a la pub de monde. On n'a pas de son. Ah. Ok. Je l'ai vu. On a toujours une intro joyeuse. Ouais. Ça, on va le savoir de lui. Ouais. Tu es capable d'entendre ce qu'il dit? Un peu. Donc, je suis capable de dessiner quelques mots, oui, mais pas totalement. Je sais pas si YouTube va être capable de dessiner ce genre de musique-là. Ben, ouais. S'ils ont un algorithme qui est capable de déceler les waves pis tout ça, j'imagine que oui. Ok, ouais, j'avoue. Mais, tu sais, je me demande à quel point, genre, un wave de métal comme ça, s'il y a vraiment une signature différente, tu sais, quand tu le regardes. Je sais pas. Parce qu'on s'entend, on garoche. Ben, tu sais. Je veux pas être péjoratif, mais tu sais, c'est vraiment, on garoche tout, là. Ouais. La drum, la guitare, la voix. Tu sais, je sais mais pas à quel point le wave est très compacté. En fait, c'est que tout est très distorsionné. Tu sais, eux autres, ils ont de la distorsion dans le tapis, ce qui fait que tu peux pas déceler précisément ce qui se passe. Mais quand tu te mets à l'écouter, comme il faut, c'est extrêmement complexe ce qu'ils jouent. Oh non, ça n'a aucun sens. Comparativement à d'autres bandes, que c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, moi, j'étais un grand fan de Nickelback. Là, fait que, non, pas vraiment. C'est galère. C'est fort, très bon. C'est vrai que lui, ses tunes ressemblent toutes. Ouais. La seule chose qui est bon à propos de Nickelback, c'est le chanteur qui sort avec Avril Lavigne. Non, c'est fini, je pense. Déjà? Oui. Elle s'est pognée le chanteur de Sum 41. Ouais. Quand leur guitariste est parti, j'imagine qu'elle l'a lâché parce que ils ont perdu un petit peu de popularité suite à ça. Peut-être. Mais là, non, je sais pas. Il semble que j'ai vu nos dernières nouvelles. Tu vas aller vérifier ça. Il va falloir que tu me débarres. C'est très chic. Chien de bœuf. C'est le fun d'avoir le Tom. Il est beau, ce gars-là. C'était une blague. Non, t'as le droit. Je te jugerai pas. Avril Lavigne. On va aller sur son Wikipédia. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait genre 10 ans que tu l'as pas vu. C'est toujours les photos qui me troublent d'Avril Lavigne. C'est pourquoi? On est rendu qu'on parle d'Avril Lavigne. C'est quand même pas pire. Non, mais ça peut aller loin, sans préparation. Your personal life, tattoos. Ben oui, pourquoi pas. From blah blah blah. Had a star tattoo, blah. Ok. French citizenship. Avril Lavigne. Hey, son père est français, mais elle parle pas français. Puis elle est légalement française à la naissance. Ok. C'est grave, là. Puis elle a appliqué pour son passeport français en 2011. Mon Dieu. Derek, ok, ça c'était le chanteur de Sum 41, Chad Kroeger. Ah, ils sont séparés le 2 septembre 2015, c'est récent. Là. Ok, quand même. Je l'ai rendu avec... Avec personne. Avec, ok. Je pensais que c'était un nom de quelqu'un, mais je viens de voir que c'était Health Issues. Non, non, c'est... Ouais, c'est... je suis allé en vert, hein, je vois pas... Je crois que c'est health issues. Elle a la maladie de Lyme. Quand même, ok. Ben voyons donc. Ok, elle était chanceuse de même. Et Chris, c'est ça quand tu vas jouer dans les feuilles mortes. Ouais, c'est dangereux. C'était bête là. Mais bon, on n'y vend pas sa maladie de Lyme, étant donné que moi, je ne sais pas qu'on devient. Ouais, quand tu joues dans des feuilles mortes dernièrement. Non, juste dans des mortes. Ok. On peut le laisser ouvert. Il s'éteint tout seul si on ne l'utilise pas. C'est moins long. Ouais. Tu peux le prendre si tu veux chercher des informations intéressantes. Fait que c'est ça, tu ne tiens pas vraiment au courant d'arriver. Sauf que je t'ai quand même mis à l'écoute d'un YouTuber. Casey Neistat. C'est comme le gars que tout le monde a aimé en 2015. Là. Mais ce que j'aime de Casey Neistat, c'est qu'il parle pas de rien de ce qui se passe. Tu fais juste suivre sa petite vie à lui, mais tu sais, il y a pas... On dirait que j'ai un... Je pense que c'est parce que je fais pas confiance vraiment aux médias. Tu sais, admettons, moi, je lis beaucoup de nouvelles sur Flipboard. Okay. Avant, j'avais Zeit que je t'avais parlé, que Flipboard a racheté. J'ai beaucoup de nouvelles sur la technologie, les nouvelles politiques, etc., etc. J'aime Wikipédia, mais je fais pas confiance aux médias traditionnels. La radio, la télé, les journaux. J'ai jamais l'impression qu'on me donne l'information qu'il faut. J'ai toujours l'impression que c'est amené avec l'intention de me faire avaler une opinion que j'aime pas. Ouais. C'est du sensationnalisme. Ouais, je suis d'accord. De dire, non? C'est vraiment... C'est faire du clickbait surtout parce que là c'est pas mal tout le temps. Je te dirais que la presse plus est quand même plus. C'est plus clean et plus éditorial. Je veux pas trop bâcher la TVA. TVA c'est point fort, mais j'avoue que c'est beaucoup. C'est sensationnel. Personne a fait ci, pis pour. Tu sais, le gros titre. Là. Ouais, pis c'est pas nécessaire. C'est beaucoup des choses dont on se calisse en temps normal. Solide. Moi, ça me fait de la peine de savoir qu'il y a du monde. Je picasse plein de choses, je suis nerveux. Je suis pas nerveux de même d'habitude quand je te parle, je pense. Ouais, c'est parce que tu fais d'autres choses, parce que on est collègues de travail. Ouais, c'est ça. On travaille dans une résidence de personnes âgées. Ouais. On est cuisinier dans notre autre vie de débutant podcaster. Mais bref, ce que je disais, c'est je m'en rappelle plus. Désolé. Pas grave. On va arrêter ça là, non? On pourrait reculer. Mais je suis pas sûr, j'enregistre pas. Non, j'ai même pas enregistré. C'est pas grave. Mais en tout cas, on parlait de médias traditionnels versus. Que tu leur fais plus confiance. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Je m'en souviens de ce que je disais. Je trouve ça triste qu'il y ait des gens méchants qui tuent du monde, puis que bon. Mais je vois pas à quoi ça m'apporte de quoi de savoir. Ouais. Tu sais, que pendant 3 semaines, on me parle du procès de Lucas Rocco Magnotta. Tu sais, dans ma vie personnelle, à moi, ça m'apporte rien. Tu sais, ça m'apporte autant qu'écouter une émission de télé-réalité que de la vie des autres. Quand moi, je suis chez nous puis je fais rien, à la place, je pourrais faire de quoi, puis ça serait aussi entertainant puis encore plus enrichissant parce que ça m'arriverait à moi, tu sais. Il y a un docteur, je pense que c'était un docteur en psychologie ou en psychiatrie qui avait averti genre les médias de pas faire ça, de pas parler de ces gens-là, de mettre ça sous radar. Là, parce que c'est ça qui fait en sorte que ça donne le goût peut-être à d'autres gens de faire ces actes-là, parce que ça leur donne une visibilité, un moment de gloire à la TV. T'sais. Le monde va se rappeler de ce nom-là, Luca Magnotta, et de tous les autres qui ont passé. Mais c'est parce que c'est les médias qui ne fait que bombarder toutes les 3 secondes qu'est-ce qui se passe de cette personne-là. T'sais, s'ils faisaient en sorte que on sache pas qu'est-ce qui se passe avec lui, puis qu'ils ont même pas, qu'ils n'auraient pas parlé de ce meurtre-là. Je me demande à quel point ça donnerait le goût aux autres de vraiment entamer des meurtres, puis de les mettre sur le web, là, comme il avait fait. Là. C'est vrai. Parce que c'est le premier qui l'a fait. Il va sûrement en avoir d'autres, malheureusement. Ah, parce c'est sûr. T'sais, le web ne fait que grandir de plus en plus avec toutes ses. Ben en fait, sa beauté, sa laideur. Il y a le deep web. Ouais, il y a probablement des gens qui ont des choses assez atroces là-dessus, puis qu'on ne sait pas. Le deep web. Ouais. C'est pas quelque chose que je suis à l'aise. J'ai déjà commencé à essayer, mais non, j'ai pas. J'ose pas, moi, on dirait. J'ai peur de me faire pirater mon ordinateur. Ben, en fait, je sais pas à quel point tu peux te faire pirater ton ordinateur. C'est juste parce que, tu sais, on dirait qu'on se pose la question qu'est-ce que j'ai le droit de faire une fois que je suis là, puis qu'est-ce que j'ai pas le droit. Bon, parce qu'on ne sait pas. En fait, la seule chose qu'on sait, je pense, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller voir, de consommer de la pornographie infantile ou juvénile. Fait. Ou acheter des armes illégales. Oui, sauf que c'est illégal d'acheter des armes. Sauf que aller sur un site qui vend des armes de façon illégale, c'est pas illégal. Non, c'est sûr. Fait que, moi, je me demande, moi, ce qui me fait peur, j'ai juste peur de tomber sur de quoi que je vais faire. Ah, mon Dieu! C'est juste ça qui me fait peur. Tellement. Puis, tu sais, d'être curieux. Tu sais, de tomber sur genre un groupe de Mongols qui ont des plans à tout casser. Puis là, tu fais, OK, ben, je vais juste lire. Puis, plus dormir de ma vie après, là, en me disant, voyons donc. Ou, tu sais, c'est des dossiers de conspiration fou, là. Tu sais, on parle pas des affaires de Wikileaks, là, des vraies affaires de tu sais, là, d'extraterrestres. Patente, puis là, tu te dis, OK, aïe, aïe, ben oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Mais tu peux pas vraiment vérifier. C'est parce ça. Que ce fichier-là n'existe pas. Exactement. C'est ça qui arrive. Fait que, tu finis, moi, je dormirais plus. On dirait que c'est ça qui me fait peur. De ce deep web-là. Ouais. Puis, c'est quoi? C'est 90% de l'Internet qui est pas. Qui est pas mal là-dessus. Hein? Ouais. Ouais. C'est juste pas. Il y a plein de vidéos sur YouTube, tout ce que vous pouvez aller voir, tu sais. Je me souviens plus c'est lequel. Il y a un monsieur, à un moment donné, qui a fait une série de vidéos d'à peu près 30-45 minutes où ce qui ne fait que visiter les sites de Deep Web. Ouais. Mais c'est assez épeurant, tu sais. Le gars, il se met tout seul devant son ordinateur, dans le noir. Tu sais, tu sais pas à quoi t'attendre. Des affaires, des choses dégueulasses que tu peux tomber. Puis lui, il est comme bien à l'aise. Puis. Non, il réagit des fois. Ouais. Fait comme, OK, je peux pas montrer ça, mais il y a des affaires qui montrent que tu te demandes, OK. Il y a des choses qui censurent, ouais. L'image, mais il réagit en arrière. Tu sais, le vidéo, en plus, il met des écouteurs. Ouais. Tu sais, à quel point qu'il faut. Non, je sais pas. C'est... Faut l'entendre de proche. C'est trop heureux, là, mais non, je suis pas à l'aise à aller là-dessus. Moi, je me souviens de. En fait, il y a deux choses qui m'ont marqué, mais une en particulier, c'était une espèce de site là-dessus, sur le Deep Web, où est-ce que c'est du. C'est comme des médecins qui font des tests sur des gens, puis ils disent les résultats de leurs tests, puis tu sais, c'est genre, on a pris une femme enceinte, puis on a injecté du lave-glace à son fœtus pour voir ouais, combien de temps... C'est tellement mal. Tu sais, puis tu te dis, bon, OK, puis eux autres, ils disent, ben, leurs cobayes sont pris dans la rue, c'est des gens qui n'existent pas vraiment, fait que c'est pas grave. Moralement, c'est terrible. Des gens qui garochaient dans de la glace. Ouais, pour voir combien de temps ils survivaient. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vrai encore là. Non, c'est ça. Ça peut être juste quelqu'un de débile qui a fait ce site-là, mais pourquoi l'avoir mis sur le Deep Web plutôt que l'avoir juste mis sur l'Internet quand ça ferait beaucoup plus parler si c'était juste pour être intéressant? Parce que je pense que l'Internet, Google a tout englobé l'Internet. Fait que tu cherches. C'est genre tests humains, puis tu pourrais pas tomber là-dessus. Là. Je pense pas que la population serait prête à voir tout ça. Ouais. Pas aller dans le conspirationnisme, là, mais je suis pas sûr que les gens seraient prêts à voir ça. Fait que, tu sais, pour aller sur le Deep Web, c'est une petite étape de plus que juste googler. Là. Ouais. Puis, mais c'est vrai qu'il y a même, tu sais, toutes les organisations gouvernementales sont là-dessus, le journaliste est là-dessus. Tu peux aller. Ouais. Il y a même des associations de bingo qui sont là-dessus. Pour vrai? Ouais, non, je suis pas dans le bingo, je suis pas trop de choses d'échecs. Là. Ben, c'est juste parce qu'ils sont pas répertoriés. Exactement. Dans Google. Ça veut pas dire que leur site est méchant ou illégal. C'est juste parce qu'ils sont pas dans les moteurs de recherche. Ouais, c'est pas. C'est hors Google. Ouais. Parce que Star, c'est ça, Internet. Mais comment on fait pour avoir site Internet hors Google, c'est ça que je comprends pas. Parce que moi, je m'en vais m'acheter un autre domaine. Ouais. Je suis automatiquement sur Google. Ouais. Mais je pense qu'il y a un algorithme qui fait en sorte qu'il... C'est pas des tout. .com, je pense. Tu peux dire que ce soit pas des .com? Ah, je sais pas. C'est des points, parce qu'il dit, il y a des sites qui disent que ça prend absolument le browser Tor. Ouais. Parce que sinon, tu peux pas accéder à ça. Des adresses qui sont pas standards. Je suis encore au niveau... genre, je sais que ça existe, je sais de quoi que c'est à peu près là. Ouais. Mais je vais pas voir plus profondément. Moi non plus, j'irai pas là-dessus en soi, c'est les gars. Non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que j'écoutais samedi soir, quand il n'y avait rien à faire, cet été ou à cet automne, il y avait un CSI, je sais pas si tu connais les CSI. Ouais, hein? Je connais. Tu sais, Miami, New York, tout ça, mais il avait fait un CSI cyber. Ok. T'sais, c'est vraiment pour pogner les meurtres qui est relié vraiment à l'informatique. Ah oh, ouais. C'est assez poussé, là, ce qu'ils font là-dedans. Puis des fois, ils allaient sur le Deep Web. Puis là, tu sais, ils ont leur fameux clavier qui clique super bien. Puis... Non, c'est juste drôle que quand même, ils ont rentré le Deep Web dans une émission quand même, ouais. Grand public. Là. Sauf que c'est ça, c'est des professionnels de l'informatique. J'ai pas pris mon escafé. Ça, tu bois pas de café. J'en bois zéro. T'en mords, non, prochain sujet. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux pas... Tous les autres podcasts, ils font juste tirer des poches, des sujets. Ils ont comme un sac, là, puis des antennes. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Là, ils pigent des sujets, puis là, c'est de ça qu'ils parlent. OK. Mais c'est des sujets, tu sais, qui sont envoyés par leur public, là, mais... qu'on est à zéro. Zéro public. Il n'y a personne qui chatte, hein? Là-bas, on pourrait chatter. Mais si on va sur la page, on peut voir combien il y a de personnes qui nous regardent? Ou... Peut-être. Si ta blonde était gentille, elle nous regarderait. Ouais, je sais pas. Ben, tu sais, sur son podcast. Sur son iPad, en haut. Il y a deux personnes qui regardent. Mais ta gueule! Mais c'est-tu nous, ça? Non? Mais non, moi, je suis pas sur YouTube. Chattez, Colis. Come on, guys. Vous dites de quoi? Go! Allô? Ah, c'est Julie. Non, c'est quoi, ça? Mais c'est nos... Ah, les anciens messages. Oui. Mon Dieu, c'est bizarre. Ben, non. Je suis comme, Chris, ils ne déjeunent pas, hein, vous puez. Parce qu'on avait déjà fait un autre test chez Marc sur ça. Mais y a-tu vraiment... Sérieusement, manifestez-vous là, dans le chat. Je sais pas c'est qui les deux personnes qui regardent. Je sais pas. Je peux même pas voir d'où ce qu'ils viennent. Mais non, je connais pas assez ça. J'ai vraiment l'impression que c'est la dernière fois, c'était... Moi, sur ma TV, puis Julie, puis c'est juste resté à deux. Non, tu penses? Ben, non. T'as marqué « Go » en haut, OK? Ouais. C'est pas cool de regarder ça avec un délai. Non, j'avoue, hein, c'est spécial. Ça, au moins comme ça, on peut voir. OK, là, on n'est pas en délai. Non, non, okay. Là, c'est live sur... c'est live sur l'application. Qui... OBS. OBS. Pas OBS. Tu sais quoi, c'est... Je sais pas ce que ça veut dire OBS. Ah, il l'a dit tantôt, Broadcast Streamer, c'est okay. Abishne? Je sais plus. On va aller voir ça. Open Broadcaster Software. C'est ça. C'est vraiment magique. Parce que c'est open. Parce que c'est gratuit. C'est open source. Mon Dieu. On veut de la lumière. Tiens. Oh là. Éclairé d'en dessous, ça ouais, fait super. Ça. On voit mes traits. Tu mets là sur Linux aussi. Je n'ai pas vu. Ah oui? Ouais. Ah ben, c'est bon, c'est bon. Ça. C'est quand même le fun qu'il y a une application, ça marche bien. Mon Dieu, la journée était longue. Travailler du jour, ça te fait pas? Non, j'adore ça. Kamal, à job, il me dit... « Puis, Marc, t'ennuies pas trop ton poste le soir? » Je dis « Non, non, moi, j'aime mieux le matin. Ça passe vite. » C'est vrai que ça passe vite. Tu sais, le soir, il y a des temps morts. C'est incroyable. Ouais, mais faut pas que tu le dises trop. Ah, c'est vrai. Non, il y a pas tant de temps mort, ça dépend de la façon que tu t'organises. Ouais, non, c'est ça. Je te dirais que la majorité des gens n'ont aucun temps mort, mais même quand je travaillais à Saint-Constant, même le matin, je sais pas, j'arrive toujours à trouver une façon de faire mes affaires, de tout faire en même temps. Parce qu'on s'habitue à une façon de faire. C'est ça. Puis toutes les journées sont différentes. Hein, oui. C'est ça. Non, bref, on court comme des fous, puis on a absolument aucun temps. C'est qu'on court trop en ayant peur de perdre du temps, puis ouais. Finalement, on arrive à la fin de la journée. Parce que... Ouais, c'est relax. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tant ça. Mieux, ça permet de faire d'autres choses. Exactement. C'est ça que je peux approuver tes exactement. Factures. La facturation. Ouais. Non, c'est pas de la facturation, c'est du... La codification. La codification. Ouais, c'est ça le bon mot. Je pensais qu'on avait eu un message là-bas, mais non, c'est juste un rappel. Ah shit, j'ai oublié de prendre les températures du frigo un matin. Hein? Calice. Fait que là, faut que tu prennes la température, parce que là, il est 6h moins quart. C'est ça, exactement. Il pop à... Ben, parce que d'habitude, je suis toujours le soir. Il est 6h moins quart. Ouais. Ouais. 6h moins quart. J'avais une idée, en fait, une idée qui se sépare en plusieurs idées à propos de ce fameux podcast live qu'on fait. Avec le temps, là, pour l'instant, on n'a rien de très concret, mais tu sais, je me disais, on peut... Si jamais on a du temps restreint, étant donné qu'on ne travaille pas sur le même horaire, mm-hmm. puis que si notre amie décide qu'elle garde le poste, puis qu'on ne se remonte jamais avant les mercredis, finir à la même heure, on pourrait faire des formules dernière minute de podcast. Je m'étais dit formule 15, formule 30, formule 1. Formule 1, étant donné que la formule 1, c'est prestigieux, ce serait la formule 1 heure. Okay. Formule 15, 15 minutes. Formule 30, 30 minutes. Fait qu'on se dit, OK, on se tape un Formule 30, on met un timer, on le part, on a 30 minutes. OK. T'sais, on parle de sujet... De sujet... X. Comme je te dis, on n'a pas encore développé notre concept, mais t'sais, éventuellement, j'imagine que les choses vont venir un petit peu plus facilement, puis peut-être qu'on va apprendre à improviser en même temps. Ben, c'est en le faisant qu'on va apprendre. C'est de là que j'ai ma super belle photo. Non, on le voit à l'envers. Just do it. Je pense qu'il y a une façon de mettre ça. Il doit avoir l'effet miroir. Ben, ouais. On est-tu vraiment à l'envers? Si tu le mets, ça, c'est écrit à l'envers? Ouais. Ouais, on fait donc ça. Ouais. Ben oui, c'est bien con. Ok, c'est parce que là, là-dessus, on a l'effet miroir. Peut-être. On a enlevé l'effet miroir. Horizontalement. Fait que là, si je fais ça, ça le marque correctement. On va aller voir sur YouTube. Mais c'est weird, par exemple. Non, parce que là, on n'est plus du même bord. Non, on a toujours les familles à voir d'habitude, hein, quand on fait des vidéos. Ça marche. On a un délai, hein. Le monde ne savent pas que nous autres, on vient de voir toi qui monte la iPad. 20 minutes plus tard. Ouais. C'est que sur un écran de 13 pouces, on n'est pas. Mais ça, tu peux pas le mettre en plein écran, cette affaire-là. Quelle affaire? Ça? Ça? Non. Mais arrête donc. Ça, mettons, je fais ça. Non, là, t'es encore sur... OK. Puis que... Comment que... Juste un doigt. Ça pour voir aussi. Plus, OK. Ouais. Même, je trouvais ça intéressant de voir... Il n'y a personne qui chatte. Non, non, je le sais. Non, si ben, regarde, au pire, on va le mettre juste de même, ça. On ne veut plus, je sais pas pourquoi j'ai l'air, je ne sais pas si je suis cadré. Merci, merci. C'est une blague. C'est, ouais, mais c'est de la barre de ta blague. Ouais, mais laisse-moi me pratiquer, on n'est pas bon encore, c'est bon pour moi. C'est très ridicule. Finalement, nos sujets au travail sont beaucoup plus animés que ça. On est comme gênés. Ouais, je sais pas, mais... Il manque de naturel, de faire de la cuisine en même temps. Là, sais-tu, je pense, pourquoi? C'est parce que... Habituellement, je pense qu'on se sent pas forcé de parler. Faut parler, là. Ouais. T'sais? Et j'ai remarqué que... Je viens juste de me dire ça, en fait. J'ai rien remarqué pendant tout. Je pense... Je pense qu'on est aussi décousu que ça dans la vraie vie. Ah ouais? Ouais. passe de. Tu sais, regarde, on a parlé un petit peu de techno, on a parlé un petit peu de deep web, on a parlé un petit peu de ce qu'on fait. En vrai, la vie. En vrai, là, écoute, c'est tellement belle. Ça me fuck les photos à chaque fois. Ça un petit peu de maladie de Lyme. Ouais, ça c'est triste par exemple. Parce qu'elle va avoir mal. Mais bon, si Avril Lavigne passe à travers, je suis prêt à avoir la maladie de Lyme. Demain matin. C'est une farce. Hein? C'est pas de quoi qui m'intéresse. Hein? Non, je vais manger vous non plus. J'ai vu ma femme passer à travers la petite douleur. Là. La j'te petite vois. Douleur. Non, c'est pas de quoi m'intéresser à voir. Je te dirais que rendu là, être enceinte, ça me tente pas. Ouais, mais ça arrivera jamais, ça. Non. C'est pas dans notre génération. On verra pas ça de notre vivant, je pense pas. Non. Pas comme dans le film Jumeaux. Il me semble que la technologie avance vite. Quand même. Ouais, la technologie, mais on n'est pas rendu. T'as-tu déjà vu le film Jumeaux 2, Twins 2 avec. Mais c'était pas Twins 2 que ça s'appelait. Ça avait, un autre nom. C'est un... Il y avait un autre nom. Ouais, ouais. C'était pas Twins 2. Non. Non, quand Arnold il est enceinte. Ouais. Non, c'est pas Twins 2, je pense. Ça éclaire, ça éclaire. Jumeaux. Ouais. Puis pour la suite. Non, il n'y a pas de suite. C'est pas une suite. C'est les deux mêmes acteurs, mais c'est pas une suite. C'est pas. Ah, ça, c'est un flic à la maternelle. Moi, je vais voir Schwarzenegger. C'est vraiment un film, ça. Tous ces films qu'il a fait, là. Pumping Iron, j'ai commencé à l'écouter sur Netflix. Ah oui, ça c'est le genre de documentaire qu'il avait fait sur le temps qu'il était. Ouais, contre le gars qui faisait Hulk là. Dawson Green? Non. Celui qui faisait Hulk dans les années 70-80. Ah, ok. Qui s'appelait. Quoi, pourquoi j'avais Hulk? J'avais un autre nom. Là. Je sais pas cet acteur-là, j'avais dans la tête. 88. Jumeaux? Non, c'est pas Jumeaux. Junior? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais. C'est terrible. C'était assez bizarre comme film. Tu sais, fallait que ce soit Arnold Schwarzenegger, tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais. C'est un petit casting. Si vous, Arnold Schwarzenegger, là, être gouverneur, ça l'a magané. Ouais. Il me semble que, tu sais, en quelques années, là, il a vieilli du visage. Il a l'air poqué, là. Il a du flasque. Ouais, non, mais tu sais, il a comme l'air. Tu sais, les plis. Ouais. Tu sais, c'est-tu la drogue, c'est-tu. Ce qu'il a pris dans le temps, je sais pas. Je sais pas. Il me semble que c'est arrivé vite, tu sais. Il a fait des films, il s'est présenté comme gouverneur. Ok, tu sais, rendu à son deuxième mandat, j'étais tabarnak, man. Non, il m'a gagné. Terrible, ouais. T'sais, c'est sûr. Je sais pas, il a peut-être pas voulu avoir de chirurgie comme. Ouais, j'avoue. C'est Sylvester Stallone. Peut-être. Ça paraît un peu qu'il ouais. S'est fait étirer le visage. Mais tu sais, même, tu regardes, je pense qu'être politicien aux États-Unis, là, c'est. Non, j'ai vu une photo l'autre fois, Barack Obama, oh, il a les cheveux blancs. Il a l'air juste poqué, il a des poches grosses. Hein. Il dort. Ouais, t'es genre. Tu comme le sort de la terre entre tes mains ouais. Quand t'es président américain. Ben, c'est, je pense que l'autre gouverneur de la Californie aussi, j'imagine que c'est. Ouais. Gouverneur d'un État, ça doit être assez. T'as un gros État comme ça. Ouais. Californie, New York. Ouais. Floride, c'est bizarre un peu. Je sais pas que ça a l'air un gouverneur de la Floride. Jeb Bush. C'est lui? C'était le gouverneur de la Floride. Okay. Il a été pendant longtemps. Là. Un homme avec du charisme. C'est lui qui s'est fait voler son nom par Donald Trump. Tu savais-tu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Jeb Bush était tellement pauvre et tellement pas techno que Donald Trump, son équipe, ont acheté jebbush.com. Hein? Fait qu'ils ont... C'est pas fort. Tu tapes ça, jebbush.com, puis ça, c'est des affaires qui le blastent. C'est n'importe quoi, il... ce gars-là. Donald Trump, il est n'importe quoi. C'est décourageant de voir ça. Ouais, vraiment. Je suis content qu'il y ait quand même Bernie Sanders dans la game. Je sais pas si tu connais un peu. Oh, si. Okay. appel. Ceci est un appel au haut-parleur. Allô? Allô? T'es live sur YouTube, là. Oh my God, OK. Rappelle-moi plus tard, OK? OK, je te rappelle dans 5 minutes. Je vais, prendre, je vais essayer Yannick de parler un peu dans 5 minutes. C'est bon. OK, bye. Bye. Oh, OK, t'es à l'aise. Je pense que ça avait l'air sérieux. OK. Je sais pas, il est quelle heure. Je pense que j'avais dit que je revenais vers 7 heures. Il faut que je retarde un peu. Ah, oh, m'a écrit des messages. Est-ce que tu vas avoir soupé? Ah, oh, mon Dieu, j'ai jamais répondu. Je connais ça. Je suis excuse. Pourquoi ça dit abuser au lieu d'excuse? Parce que excuse, ça existe pas. Mon petit autocorrect. C'est dégueulasse. J'avais pas vu. Aussi, j'ai un swipe key de même pour écrire. Puis... Je sais pas, à un moment donné, on dirait qu'il se décide, genre, non, j'écris plus tes mots, ouais. Ton slang commun, là. Moi, j'écris les mots français. Parce que, tu sais, il prend comme en mémoire les mots que tu rajoutes, là. C'est parce que si tu le corriges pas, puis t'as... En tout cas, c'est quand même un petit peu complexe, mais... Je faisais du live avec mon vélo. Mon sel. Pourquoi tu mets vélo? J'ai enregistré sel en plus. Ouais, mais c'est ça, il décède du jour au lendemain que non. C'était calme. Bon. Mais c'est bizarre que ça n'envoyait pas, vu que t'es en périscope, lui, non. Toutes les autres applications, c'est fini. Ouais, à part le téléphone. Ouais. Ben, le téléphone là, priorise tout là-dessus. Là. C'est un cellulaire quand même. Le périscope, il est plus là partout. Ouais, mais anyway, il nous reste... Tu veux-tu faire 50 minutes ou tu vas faire une heure? Là? On a combien, là? 48 minutes. On se rend à 50. Ici, on va se rendre à 50, il reste 2 minutes, 1 minute 40. Ouais. On close ça avec quoi? Pour nos deux auditeurs fictifs. Ouais, les deux auditeurs, on sait pas vraiment s'ils existent pour demain. Non, en fait, je pourrais juste, pour les dernières minutes, aller sur YouTube. Puis voir si Langue de Port est en diffusion en direct. Oh. Ouais, c'est un nouveau film. Langue de Port. Oh, quand il y a un petit point rouge, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est en direct. Ouais. Mise en ligne, comment rater son premier podcast? Bon, si Langue de Port est en diffusion en direct. Ben oui. Check donc, voir s'il y a combien de personnes. Langue de Port. Oh, quand il y a un petit point rouge, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est en direct. Encore deux personnes. Mise en ligne, comment rater son premier podcast? Tu peux-tu chanter? Si Langue de Port est en diffusion en direct, ben oui. Check donc voir s'il y a combien de personnes. On dirait qu'il y a moins de délai sur ton cellulaire que sur l'ordinateur. Parce qu'on est en direct. Encore deux personnes. On va voir, je vais pointer du doigt, là, check ça. J'aime ça, je me cacher à la bouche. Check donc voir s'il y a combien de personnes. Eh mon Dieu. Ah, le 3 personnes mais non, regardent. Tu viens de dire, on dirait qu'il y a moins de délai. Tu veux juste marquer 3 personnes regardent. Donc, c'est vraiment 2 personnes qui regardent. Hein? Mais ils sont gênés. Moi, je pense que c'est des moniteurs de YouTube qui regardent. Ouais? Non, je sais pas. On va le voir après. Il dit c'est qui. Quel ah, ouais? Ouais, tu peux le voir. Oh, my goodness. Ah, clavardage en direct. Guys. Ah oui, à place de cliquer là-dessus, genre, c'est ça? Oh, check. J'ai marqué « Guys ». C'est vrai, je pourrais... aller comme ça. C'est vrai. Bon, faut que j'appelle ma blonde. Ouais, c'est beau. Ben, on va finir ça là-dessus. On a quand même fait 50 minutes. On va jaser à quel point on est à poche, là. Non, mais tu sais, faut apprendre. Faut ben voir ouais. Par où qu'on s'en va. Pour savoir vers où on va s'en aller. On va trancher des tomates en tranches. Bon, mais sur ce, à la prochaine, les amis. Ouais, salut.